Oyez, oyez, venez ouïr toute ma lyre. Il faut redire ce que je vais dire. Et je vais vous toutes les mettre en joue. Mais j'ai espoir dans les mémoires. Ils comprendront que j'ai raison. La mémoire, c'est rien.